Le lendemain et les jours suivants, Clélia furent fort tristes. Elle l'appela plusieurs fois, mais eut à peine le courage de lui dire quelques paroles. Le matin du cinquième jour qui suivit la première entrevue, elle lui dit que dans la soirée, elle viendrait à la chapelle de marbre. « Je ne puis vous adresser que peu de mots, » lui dit-elle en entrant. Elle était tellement tremblante qu'elle avait besoin de s'appuyer sur sa femme de chambre. Après l'avoir renvoyée à l'entrée de la chapelle, « Vous allez me donner votre parole, » ajouta-t-elle d'une voix à peine intelligible, « vous allez me donner votre parole d'honneur d'obéir à la duchesse et de tenter de fuir le jour qu'elle vous l'ordonnera et de la façon qu'elle vous l'indiquera. Ou demain matin, je me réfugie dans un couvent et je vous jure ici que de la vie, je ne vous adresserai la parole. » Fabrice resta muet. « Promettez, » dit Clélia, les larmes aux yeux et comme hors d'elle-même, « ou bien nous nous parlons ici pour la dernière fois. La vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour peut être le dernier de votre existence. » En ce moment, Clélia était si faible qu'elle fut obligée de chercher un appui sur un énorme fauteuil. Elle était sur le point de se trouver mal. « Que faut-il promettre ?» dit Fabrice d'un air accablé. « Vous le savez. Je jure donc de me précipiter sciemment dans un malheur affreux et de me condamner à vivre, loin de tout ce que j'aime au monde. Promettez des choses précises. Je jure d'obéir à la duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle le voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je, une fois l'un de vous ? Jurez de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver. Comment ? Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi, dès que je n'y serai plus ? Oh Dieu ! Quelle âme croyez-vous ? Mais jurez, ou je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme. Eh bien, je jure de me sauver d'ici, le jour qu'on âme Sanseverina l'ordonnera, et, quoi qu'il puisse arriver d'ici là. » Ce serment obtenu, Clélia était si faible qu'elle fut obligée de se retirer après avoir remercié Fabrice. Le lendemain, il la trouva pâle, au point de lui faire une vive peine. Elle lui dit, de la fenêtre de la volière, « Nous ne faisons point illusion, cher ami. Comme il y a du péché dans notre amitié, je ne doute pas qu'il ne nous arrive malheur. » Voici une idée qui m'est venue. Dans 8 jours, je sortirai de la citadelle pour assister aux noces d'une des sœurs du marquis Crescenzi. Je rentrerai le soir comme il est convenable, mais je ferai tout au monde pour ne rentrer que fort tard. Et peut-être le commis de la prison n'osera-t-il pas m'examiner de trop près. À cette noce de la sœur du marquis se trouveront les plus grandes dames de la cour, et sans doute Madame Sanseverina. Au nom de Dieu, faites qu'une de ces dames me remette un paquet de cordes bien serrées, pas trop grosses, et réduites au plus petit volume. Dussé-je m'exposer à 1000 morts, j'emploierai les moyens, même les plus dangereux, pour introduire ce paquet de cordes dans la citadelle, au mépris, hélas, de tous mes devoirs. Si mon père en a connaissance, je ne vous reverrai jamais. Mais, quelle que soit la destinée qui m'attend, je serai heureuse dans les bornes d'une amitié de sœur si je puis contribuer à vous sauver. » Le soir même, par la correspondance de nuit au moyen de la lampe, Fabrice donna avis à la duchesse de l'occasion unique qu'il y aurait de faire entrer dans la citadelle une quantité de cordes suffisante. Mais il la suppliait de garder le secret, même envers le comte, ce qui parut bizarre.